tire longtemps, dis longtemps. Oh, nanana, na, na, yeah. Tire longtemps, dis longtemps. Oh, oui. Tire longtemps, dis longtemps. Les amours encore dit que deux. Tire longtemps, dis longtemps. DJ Casey, Real Records. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût. Yeah. Nyango, tu me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût, yeah. Nyango, tu me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. La matinée qui t'abonne là, c'est un ange à cause de toi. Toutes les nuits, je perds le sommeil. Yeah. T'es le genre de fille, oui, pour qui les gars qui te regardent, genre on peut lancer les abeilles. Yeah. Tu es trop stylé. Une échelle de 1 à 5, je te mets 10. Vu que j'en parle, je vais en profiter. Toutes les copres présentes ici ce soir, tu les délivres. Ta qualité là me fait lancer les mots. Y'a même pas femme pour toi, crois pas que j'te l'eau. Trop parler, donne-toi, tu sais ce que tu veux. Mais sache un truc, je ferai de toi ma go. Ta qualité là me fait lancer les mots. Y'a même pas femme pour toi, crois pas que j'te l'eau. Trop parler, donne-toi, tu sais ce que tu veux. Mais sache un truc, je ferai de toi ma go. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût, c'est mon goût. Y'a un goût, tu me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût, c'est mon goût. Tu es mon goût, je m'en fous. Tu es mon goût, je m'en fous. J'ai trouvé ma nyango. La roule, c'est mon goût. Maintenant les mains, oh yeah yeah. Avant même à mon nom, les belles long. J'ai trouvé ma coco. La roule, c'est mon goût. Nyango, tu me rends pas blé. J'ai besoin que tu m'aides. Mon asile c'est à tes côtés. Tu seras mon remède. Kiki kelme, on va loin. Mais ma welle indique New York. Qui m'engueira, bon ma mec à la haie. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût. Papa la samba, je deviens ma boule. Mais je m'en fous. Prémengo, bengo, bengo, bengo, ii. Prémengo, bengo, bengo, bengo, nyango. Eh, kikongo, kinjengo, nda. Nyango, nyango, tu es mon goût. Ça c'est mon goût. Minx. Oh, nanana. Les gens vont encore dire que tu... Oh oui. T'es le genre de fille, oui, pour qui les gars qui te regardent, genre on peut lancer les affaires. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, je me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût. Ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou. Tu es mon goût, je m'en fous. Casey, Real Records.